si tu écoutes, j'annule tout. C'est la dernière et c'est en public, Charline Van Hennecker. Vous voulez savoir si c'est en public? Bah, je crois. La réponse. En direct, en public, du studio 105 de la Maison de la Radio. Et puis aussi en vidéo, en direct sur franceinter.fr, en streaming comme on dit. Oh, Marie Blondiou, merci pour ces informations. On vous attend, hein, descendez au studio 105. Il n'y a plus de place, c'est plein. On va vous en trouver une. Ah, j'arrive. Et voici comment ce matin nous avons préparé la conférence de rédaction. Salut les amis. Salut Charline. Ah bon, alors les garçons, vous tombez bien. Ouais, comme toujours. Oui, oui, enfin bon. Alors aujourd'hui, tous les chroniqueurs sont là. Alors je me demandais comment choisir qui fait une chronique. Bah déjà, il y a Fromet. Les gens l'aiment bien, Fromet. Oui, je comprends pas pourquoi, mais les gens l'aiment bien. Oui, d'accord. Mais je veux dire, les autres, ils sont tous formidables. Il y a Clara. Ah non, Clara, non. Attends, je te la fais, Clara. Ouais. Ah, ah. Alors l'actualité, Charline, c'est aussi le championnat du monde de ricochet sur lac. Vrai, je vais donc vous parler de Beaumarchais. Oui, attends, parce que Samir Bouadi, il est vachement bien quand même. Non, Samir, il va faire Puskás, cet albatros des terrains qui survolait les matchs comme le rapace survole sa proie. Oui, d'accord. Mélanie Boer, alors. Non. Elle va te faire une rétrospective de la carrière d'Olaf Vidgursen, DJ islandais de la tendance néo-punko post-yéé. Bon, ok. Alors, franchement, Juliette, elle a la pêche, Juliette, quand même. Juliette, t'as vraiment envie qu'elle te conseille un bouquin écrit par une auteure féministe ivrogne qu'elle a adoré parce qu'elle avait 3 grammes dans le sang. Non, mais... Alors, attendez, parce que Dédé, et franchement, il est génial, hein. Non, pas Dédé. Marius, alors. Oh non, Marius, pour qu'ils te disent... Est-ce que vous saviez qu'au 8e siècle, les Vikings ont découvert la sodomie en prenant leur température avec des pics à glace? C'est marrant parce qu'il y a, il y a le public de la conférence de rédaction. Oui, c'est marrant, rigolo, ça dit. Donc, proposez-moi. N'hésitez pas à proposer des sujets. Thomas VDB, peut-être. C'est l'actualisique. Un mélange d'actualité et de musique. Si vous avez remarqué que si on joue tout le répertoire de The Q à la flûte à bec, c'est n'importe quoi. Là, Hippolyte, c'est chouette. Alors, le problème d'Hippolyte, c'est qu'il va te proposer de chanter une bossa nova avec une perruque à rouleau sur la tête en imitant Zlatan Ibrahimovic. Je sais pas, moi, Thomas Bideguin, merde, quelqu'un. Je sais pas si on a envie de s'envoyer une chronique de Thomas Bideguin. D'accord. Et là, je vais mettre tout le monde d'accord. Isabelle Sorrente. Alors, aujourd'hui, j'ai constaté que mon grille-pain avait des vertus négatives. Depuis, je chauffe mes toasts au briquet. En fait, vous n'aimez personne, c'est non, ça? Non, bah alors attends, moi je veux bien me sacrifier pour faire une chronique à ce moment-là. Ah ouais, Guillaume, c'est bien, et puis on tire au sort les deux. Voilà, de toute façon, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein, mais arrêtez, mais moi je les adore tous, mes chroniqueurs, je peux pas choisir, merde! Ouais. Heureusement, à 17h, il y aura tout le public du 105. Ouais. Et bonjour la France Inter, et bonjour le public de la France Inter! Vous écoutez l'émission qui envoie l'actualité en vacances. Et voici les trois informations qui seront coincées au péage dans un car Macron jusqu'à 18h. Ce sont les trois sujets sur lesquels on a fait une fixette dans cette émission toute l'année. L'été sera chaud dans les uniformes et les canons à eau, car nous sommes le 1er juillet et la France est toujours en état d'urgence. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? La politique citoyenne a tenté d'émerger dans les médias et sur les places de la République. Nuit debout a quitté l'Agora, mais elle reviendra car le citoyen engagé est quelqu'un de mesuré. Et toi, tu t'entends parler avec tes grands principes et ton code de l'honneur? Tu vois où ça nous mène aujourd'hui? Tu sais ce qu'il te fait, mon code de l'honneur? Il te prend, il te retourne, il te met. L'air du temps s'affiche sur les murs avec des fresques revendicatives et le cinéma affronte aussi les sujets sociaux. Mais alors la chanson engagée, alors elle est où? C'est pas comme les chansons qu'on voit à la radio qu'on entend à la télévision. Hein. Alors c'est même comme ça qu'on les reconnaît, celles qui peuvent passer à la télévision. Hein. C'est parce qu'elles ont rien à dire. Et aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est nombreux, puisqu'il s'agit de notre équipe au complet, présentée par mon binôme, le baron de la Brève, le prince de l'insolite, Alex Vizorek. Et merci pour cette saison 2, Charline Van Hennecker. Alors, je vous présente l'équipe du club vacances d'Annule Tout. Toute l'équipe d'animation est là. Le géosport, Samir Bouadi. Le géo soirée DJ, Mélanie Boer. Le géo jeu café, Marius Colucci. 17h20, le géo massage tantrique, Dédé Manoukian qui nous parlera de... de la voix la plus psycho-érotique du PAF, à l'Antiquité, ça aurait été un demi-dieu, mais c'est l'invité mystère. Ouh, invité mystère, on ne sait pas qui viendra chanter. Il y aura la géo-visite culture, Clara Dupont-Mono, le géo-body painting, Hippolyte Girardot, le géo-scénario pour Pécho, Thomas Bidguin, et 17h30, le géo-groupe de discussion, activité où personne ne va, mais il s'en fiche, c'est lui qui va les chercher, Guillaume Meurice. Oui, bonjour Alex, bonjour tout le monde. Alors moi, j'ai été pour la dernière fois cette saison à la rencontre des gens. La connasse là de... Excuse-moi, j'en ai rien à foutre, moi je me dis ce que je pense. J'aime tellement les gens quand ils disent ce qu'ils pensent. La géo yoga, Isabelle Sorante, la géo cocktail, Juliette Arnaud, et 17h40, les géo actualités, qui étaient avant géo musique, et donc c'est le géo actualisique. Thomas VDB, vous allez nous parler, vous. Eh ben oui, je vais parler tout simplement du fait que c'est l'anniversaire de l'iPhone. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et le spectacle sera mis en musique par le géo-guitare Frédéric Fromet. Allez, c'est le moment de démarrer cette émission, c'est parti. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. Avec donc toute l'équipe pour cette fin de saison. Tiens, alors on va en profiter tant qu'on vous a sous la main pour vous poser des questions qu'on ne vous pose jamais. N'hésitez pas à lever le bras. Hein. Je vois Marius Colucci qui est dissipé, qui est le dernier de la classe, mais Marius. Non, il copie sur ma chronique. Tiens, par exemple. Je pensais qu'on faisait des jeux de société, moi, la dernière. Madame, on peut faire pour dehors. Tiens, Juliette Arnaud, par exemple. Quand on a la liberté de choisir ce qu'on va faire découvrir aux gens comme livre, qu'on a vraiment la liberté du choix. Comment est-ce que vous choisissez les bouquins que vous nous faites découvrir, Juliette ? En trébuchant dessus, on est honnête. Non. Eh ben, croyez-le ou pas, je m'angoisse à mort en me disant que j'ai une super grande responsabilité et que si jamais je choisis un coup une femme, un coup un homme, un coup un américain, un coup un pan-américain, etc., etc. Ah, vous cherchez à équilibrer, donc. Bien sûr, j'équilibre à la race. Bon, on avait remarqué, hein, Juliette. Non, on fait semblant, mais c'est évident. On va passer l'été à tout lire, alors du coup, on va s'en rendre compte. Je vais pas demander à Thomas VDB comment il choisit ses actualisiques. Hein, Ah ouais, clairement au pif. D'accord. Thomas Bideguin, tiens, oui. À la rentrée, la campagne présidentielle va commencer, un petit peu plus tôt que prévu d'ailleurs. Oui. Donc cet été, il faut occuper le terrain médiatique pour les candidats. Est-ce qu'il y a un storytelling de l'été, vous, si vous étiez conseiller des principaux candidats? Ah ben, j'ai besoin de conseiller personne. Il y a un storytelling tout l'été, c'est les photos en maillot. Ça a commencé aujourd'hui avec la couverture de Closer. Où on voit... Avec qui? On dirait que c'est Bertrand Blier, mais en fait, la légende dit que c'est Marine Le Pen en maillot. Et en fait, c'est pas vraiment en maillot, c'est une grenouillère. C'est peut-être une tendance. En tout cas, voilà, on va avoir défilé tous les gens qui veulent être candidats. On est sûr que le prochain président, on aura sa photo en maillot. Et que c'est peut-être trop d'informations. On ne sait pas. Samir Bouadi, j'ai une question très facile pour vous. Si cet euro devait être une œuvre littéraire... Ce serait un truc un peu léger, peut-être une nouvelle, peut-être de... Oui, quelque chose de très léger, parce qu'il ne se passe rien, on s'emmerde. Ah, c'est vrai? Ah, non. Ce serait un peu nouveau roman, peut-être. Un Catherine Poncol, un truc comme ça. Un peu Robe Grillet. Un Clara Dupont-Mono. Non, parce que Clara a beaucoup de talent. Non, ça serait peut-être un truc de Robe Grillet, limite pédophile, genre un roman sentimental. Oui, et c'est pour ça que les Belges vont gagner, mon petit gars. Absolument. Ils ont un coup d'avance. En ce moment, là, normalement, ça peut être le moment du premier disque. Si on faisait un live de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Oui, enfin, certains l'aiment. Enfin, tout le monde ne l'apprécie pas, mais on se le coltine depuis maintenant 2 ans et demi. Ouais, Led Zeppelin. Non, hein. Donc... Non, non, alors, on espère qu'il arrive, parce que moi, je ne le vois pas arriver. Mesdames et messieurs, la surprise. Bravo. Merci. On lui a demandé, mais de quel instrument tu voudrais être accompagné? Et il a répondu, la trompette. Alors on lui a dit, mais Guillaume n'est pas disponible. Et donc, il a une trompettiste. Bonjour Frédéric Fromet. Bonjour à tous. Ouais. C'est cool, ça me fait un entraînement avant d'aller chanter dans la fan zone. Shoot, shoot, shoot dans la baballe. T'es déjà con, ça peut pas te faire de mal. Shoot, shoot, shoot dans la baballe. Fais pas ta fiotte, fais voir que t'as des poils. Un joueur qui parle, ça bouge paralympique. Je m'en fais mal, pas de désinfectant, ça pique. Ça tombe bien, le supporter n'est pas plus malin. Non, c'est pas nul de chanter l'arbitre, on t'encule. le shoot-shoot dans la papale. T'es déjà con, ça peut pas te faire trop mal. Shoot-shoot-shoot dans la papale. Fais pas ta fiotte, fais pas ton cérébral. Pourquoi tu portes après le match un costard cravate? T'es mieux en short. Là on dirait un psychopathe. Te fatigue pas, on sait tous que t'es pas fut-fut. Ton truc à toi, c'est le fric, les bagnoles et les putes. Shoot-shoot dans la papale. T'es déjà con, ça peut pas te faire de mal. Shoot-shoot-shoot dans la papale. Fais pas ta fiotte, ton exil est fiscal. Allez les peu, c'est vous qui êtes nos idéales. Des têtes de nœuds qu'on met à la une des journaux. Partout, partout, le foot, le foot, le foot, le foot. Et puis c'est tout, le reste on n'en a rien à foutre. Shoot, shoot dans la papale. T'es déjà con, ça faut pas te faire de mal. Shoot, shoot, shoot dans la papale. Fais pas ta fiotte ou fais pas du football. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, accompagné à la trompette par Delphine Leplay, que nous a prêté Nagui. Merci. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, justement, j'ai une question à vous poser, André Manoukian. Quel est le rôle du cuivre et de la trompette dans la chanson française, là, par exemple? Donc, ça va avec tout, la trompette. Dans la chanson française. Pardon, Marius? Ça va avec tout, la trompette. Ah, ça va avec tout. Vous êtes d'accord, Dédé? Là, elle était dans les contretemps. C'est-à-dire que Frédéric Fromet joue des marches et elle jouait un petit peu en contre. Elle faisait aussi un contrepoint qui, normalement, devrait être harmonique, mais là, elle était apparemment sur une seule note. Or, déjà. Mais déjà faire, tout ça, Dédé, déjà ou... faire une seule note comme il faut, c'est pas. C'est alors, difficile. Si vous avez un peu froid, c'est que Dédé ventile un petit peu parfois. c'est tout à fait normal. Mélanie Boer, vous aussi, vous avez un avis sur la trompette. Vous m'aviez confié quelque chose ce midi en me disant la trompette. Je déteste ça, vous dites. Non, elle se rappelle déjà plus de ce qu'elle a dit. Je m'en rappelle plus, c'est parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc j'ai bu toute la journée. Et soit ils disent la trompette, soit on joue très très bien, et si on sent qu'on rip, c'est autant ça. Voilà, il faut soit jouer très mal, soit jouer très bien. C'est le milieu qui est embêtant. Mais quand on joue très mal, on peut toujours s'en sortir en étant punk. Très bien. Ce qui ne nous met pas du tout la pression pour Delphine tout à l'heure à la trompette, qui accompagnera Frédéric Fromet, que vous allez retrouver bien sûr. Alex, à cette heure-ci, c'est un grand moment avec vous. Les gens l'attendent. Les gens c'est un moment qui va énormément me manquer cet été. J'imagine, vous aussi, je vous enverrai les brèves par texto. Car que s'est-il passé dans le monde depuis 20 minutes qu'on n'a plus d'infos? Eh bien, c'est maintenant. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Avec une grosse page sport dans cette édition, on reviendra notamment sur le quart de finale d'hier entre la Pologne et le Portugal. Oui, hier, si vous aviez un besoin urgent de plombier, c'était foutu. Et on parlera également de l'élection en Autriche. Est-ce que vous voudriez un cliché sur l'Autriche? Non, ça va, parce qu'il y aura des brèves. Oui, parce que le public adore les brèves. Bien sûr. Je le savais. Et on commence donc, Alex, avec le Brexit. Pas tout à fait, mais pas loin. Un Français s'est proposé pour s'occuper de l'équipe nationale de football d'Angleterre, qui est tout à fait aussi nulle que ses habitants. Ah, attendez, parce qu'il y a un Français qui aide les Anglais, Joël Robuchon. Non, ça pourrait, mais non. C'est suite à la défaite face à l'Islande, il a fait une vidéo, et vous risquez de le reconnaître. I suggest a referendum. Another one. Hashtag Canto yes, if you want me. Hashtag Canto no. If for some reasons, you don't. C'est Eric the King, évidemment, qui est plus drôle quand il raille les roast beef que quand il traite des gens de racistes. Il a une chance, Alex? Je sais pas. En tout cas, il a fait une longue anaphore. Moi, Eric Cantona, moi, Eric Cantona, un peu comme François Hollande. Ah ouais, ouais. Donc il a dit « Mon ennemi, c'est la Finlande ». Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « Moi, Cantona, potentiel futur sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, je promets de ne jamais perdre contre une petite île gelée où le gardien est un réalisateur de films et l'entraîneur adjoint un dentiste. » La France est prévenue. Passons au match d'hier. C'est le Portugal qui s'est finalement qualifié qualifiée pour les demi-finales après avoir éliminé la Pologne au tir au but. Oui, et constatation étonnante, depuis le début du tournoi, le Portugal n'a pas gagné un seul match au bout de 90 minutes. Et quand même, il passe à chaque fois. Alors, en fait, le Portugal, c'est le 49-3 du football. C'est ça, c'est ça. Alors passons à ce soir, en prévision du match Belgique-Pays de Galles à Lille. Folie. Un internaute a lancé l'initiative, le hashtag Adopte un Belge, en invitant les Lillois à offrir le gîte aux supporters belges qui font le déplacement. Oui, alors on dit que c'est nouveau, mais c'est pas vrai. Une initiative qui existait déjà en Seine-Saint-Denis, où un certain Jawad avait volontiers proposé son hospitalité à l'époque. Alors, ne riez pas, parce que le fameux logeur est dans l'actualité. Oui. On aurait retrouvé l'ADN de Jawad sur une ceinture d'explosifs. Ben oui, mais je sais ce qu'il va répondre. Ah ben, je savais pas, moi, monsieur. J'avais un pantalon qui tombait, on m'a dit, tiens, une ceinture. Je l'ai mise. Évidemment. Politique internationale à présent. En Autriche, la présidentielle est invalidée en raison d'irrégularités. Ouais, oui, moi, je l'avais repéré, c'était louche. Ah bon, c'est louche. Excusez-moi, un écolo qui gagne une élection, c'était pas possible. C'est vrai, oui. Télévision, maintenant. Oui, avec notre émission préférée à tous, Motus. Ah bon, ça oui, c'est notre émission préférée à tous. Et notre moment préféré à tous, c'est quand Thierry Beccaro propose au candidat éliminé de passer un petit bonjour à la famille. Écoutez ce que c'est, Charline, un grand animateur. Bon, un petit bisou rapide à la famille, aux amis. Oui, j'embrasse Elodie, ma femme, et mon petit loup, Maël. Ma foi s'ennuie à la maison. Michael. Je fais coucou et je remercie Jacques et Michel. Voilà, c'est des prénoms, parce que c'est des prénoms qu'on choisit au hasard. Et surtout, non, mais... J'ai bien compris. Et moi, je vais saluer Jocelyne et Alain, qui nous regardent régulièrement. Vous voyez, ça, c'est un animateur qui rebondit. Hop, et Clara Dupont-Mono qui n'a pas compris. Évidemment. Mais Isabelle Sorrent et Juliette sont mortes de rire. Donc, c'est un indice hein, chez vous, en bas de votre écran. Attendez, je vais quand même proposer à Clara, en rentrant hein, chez vous, sur Google, vous tapez Jackie et Michel. Oui. Faites quoi avec vos enfants, Clara? Et puis, vous penserez à nous. Voilà. Allez, on termine par les dernières brèves de la saison, Alex. Allez-y, lâchez-vous. Je vous en ai gardé une bonne. Commencez. Alors, selon une étude très sérieuse. Là, généralement, les études sont toujours très sérieuses hein, dans les brèves. La musique serait plus efficace que le sexe en cas de coup de blues. Mais oui, et moi, quand Manouki en confirme. Et sa première femme aussi. Et là, vous m'avez niqué ma vanne, les gars. Donc, on va la refaire. Dans ces cas-là, on la refait. Non, parce que bien sûr. C'est important de dire à l'auditeur, pour une bonne vanne, c'est le rythme. C'est le rythme. Donc, on va reprendre le rythme. Selon une étude très sérieuse, la musique serait plus efficace que le sexe en cas de coup de blues. Et moi, quand je suis déprimé, ben, j'écoute Michel Thor. Ça vous donne un indice sur l'efficacité de mes performances sexuelles. Ça valait la peine de la refaire, non? Mais oui, ça valait la peine de la refaire. Mais vous mettez un ivre-virgule. Un ivre-virgule voilà. Pour terminer la saison, c'était évident. Franche-Comté. Ivre-virgule, il met 7 heures à souffler dans les kilomètres. Le record de Juliette Arnaud est battu. Ceux qui ont peur d'être en manque de brève, qu'on pourra vous voir à Avignon au festival. Et je ne serai pas seul. Et oui, parce qu'il y aura Guillaume Meurice et Frédéric Fromet. Oui. Mais complètement. Et oui. Est-ce qu'on fera un prix pour les trois, si vraiment les gens ont décidé de se taper les trois, quoi. Se taper les trois, bien sûr. C'est possible, tout est possible. Vous dire que nous sommes avec l'équipe au complet. Vous êtes en direct sur France Inter. Vous pouvez aussi aller voir sur franceinter.fr en streaming la vidéo. Mais Manouki, on n'est pas maquillé. Avec la bouille de tout le monde. Et aussi, il y a ceux que vous ne voyez pas à l'écran, que vous n'entendez pas au micro, mais qui font cette émission. Et on les remercie chaleureusement. Je vous demande de les applaudir. À la réalisation, il y a Benjamin Riquet. Préparation, il y a Nathalie Romero et Sarah Masson, secondée par Alexia Lacour et notre stagiaire Adèle Le Canu, car nous formons la relève dans cette émission. Et Djoubaka. Alors, on vous accompagne jusqu'à 18h et on va aborder avec toute l'équipe le premier sujet. Il est temps de se mettre au boulot, les gars, hein, parce que la récré est finie. Il y a une émission, il y a des sujets. Est-ce que l'année prochaine, on garde l'idée des sujets comme ça à traiter Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans le public? Ouais, c'est la pas possible. Ouais, bah, le public est pour, a priori. Hein. Les trois qui sont réveillés sont pour, en tout cas. Hein. Si vous préférez des brèves, écoutez, je vous laisse l'émission. Non, je ne pourrais pas. Allez, premier sujet, nous sommes le 1er juillet. Alors, il y a le ciel, le soleil et la mer. Et l'état d'urgence. Les flics, les militaires et les ministres restent mobilisés sous les ordres de Manuel Valls, qui rappelle aux Français les principes de cet état d'urgence. Montrez-moi que vous en avez une paire, sinon je vais vous faire roter du sang. Bande de lopettes, vous allez me faire du parcours en crevant la gueule ouverte, à têter le petit lait par le fion. Est-ce que c'est clair? Chef, oui, chef. Si vous survivez à mon instruction, traduction, vous deviendrez une arme. Un prêtre de la mort implorant la guerre. En attendant, vous n'êtes rien. Du branle-man végétatif, de la merde, de la chiasse, du vomi. Est-ce que c'est clair? Cher, oui, cher. Vous le voyez bien, Emmanuel Valls, avec sa cravate toute serrée quand il devient tout rouge et qu'il s'énerve? Eh ben voilà, c'était Benoît Poulvorde dans Monsieur Manhattan. Donc nous sommes toujours en état d'urgence. Alors, je vais vous demander, c'est la question, c'est notre invité, c'est les chroniqueurs. Hein. Est-ce que vous percevez les conséquences de l'état d'urgence? Est-ce que vous les voyez encore depuis tout ce temps? Est-ce qu'Hippolyte Girardot... Oh putain, ça tombe sur moi. Hippolyte, je vais prendre la question, il faut déjà que je donne une réponse, mais c'est pas possible. Cible. Ça n'est pas du tout mon style. Par exemple, style. Vous, Hippolyte, dans votre quartier, chez vous, est-ce que vous croisez des soldats? Moi, il y a toujours des flics dans mon quartier. J'habite un quartier très chic, ça Babylone. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit « je vais faire une manif », Valls se barricade, il y a des flics de partout, on ne peut plus passer dans la rue. Voilà, c'est l'état d'urgence, mais c'est permanent chez Valls. Alors donc, je pense qu'il a mis la France comme il fait sa rue, quoi. C'est à peu près pareil. Quoi. Mais alors voilà. Justement, est-ce qu'Isabelle Sorrente, par exemple, l'état d'urgence permanent, est-ce que c'est vraiment un risque? Ben, en fait, pour moi, l'état d'urgence, ça évoque qu'il faut toujours aller plus vite, de toute façon. Donc, c'est le fait qu'on cavale tout le temps. Avant même qu'il y ait des attentats, il y avait l'état d'urgence. On ne parle que d'urgence, tout est urgent. Donc, urgence sanitaire, etc. Ouais. Urgence sanitaire. Urgence, et puis tout est urgent à faire. Voilà. Alors, sachez que ça nous fait un point commun avec la Tunisie, où l'état d'urgence avait été décrété le 24 novembre 2015. Et la Corée du Nord aussi. suite à un attentat suicide. Et puis, là-bas, l'état d'urgence permet le contrôle de la presse en plus, et il est sans cesse prolongé, finalement un peu comme chez nous. Ici aussi, d'ailleurs, vous n'êtes pas reconduit l'an prochain. État d'urgence oblige. Ensuite, il y a aussi des policiers armés sur les plages. Alors, parmi les chroniqueurs, est-ce qu'il y en a qui vont à la plage? Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants avec des pistolets à eau? Je ne sais pas. Non, enfin, est-ce qu'il y en a qui sont armés? Non, mais des photos de Marine Le Pen en maillot de bain, avec derrière les policiers armés. Et en uniforme, voilà, des militaires armés en uniforme sur les plages. Marine Le Pen au premier plan. Un requin, pourquoi pas. Tout ça, il faut le mettre en scène un peu. Et l'état d'urgence, c'est bien si on en a une représentation. Eh bien, ce sera l'image de l'été. Donc, bon été à tous sur France Inter. Il est 18h29, nous sommes en direct. Vous pouvez vous brancher sur France heures, Inter. 17h, Charline, 17h. J'ai dit quoi? 18h29. Oh là là, je suis déjà en vacances. Et c'est l'heure d'André Manoukian. Wow. André Manoukian, dans tout cet état d'urgence, un peu de musique, finalement c'est notre dernier salut. C'est notre dernier salut, et puis c'est un artiste exceptionnel. Entre Bugs Bunny et Max La Menace, jamais voix de Cressel n'atteignit un tel degré de sexitude. Je pose une question essentielle dans cette émission: qu'est-ce qui rend sexy la voix de Frédéric Fromet? La transgression. La transgression. Que même Alex Vizorek connaît quand artiste même. France, le principe de la comptine enfantine détournée. Et là, on est en plein Lewis Carroll qui s'y entendait en détournement d'enfants, Alice courant après le petit lapin. Avec Frédéric, on est à la fois Alice et le petit lapin. Dans une course-poursuite avec le temps imparti d'une chansonnette de 3 minutes semble élastique dans la bouche de Frédéric pour accueillir le nombre incalculable de couplets qu'il plie et déplie dans un labyrinthe parsemé de fausses sorties. On croit que sa chanson est finie, et que c'est la chute, et non, ça redémarre. On continue de tourner au gré des petites rythmiques binaires de sa guitare, très souvent un rythme de marche, une marche harmonique et antimilitariste bien sûr, qui ponctue notre parcours émerveillé dans le small world qu'il nous dessine. Frédéric Fromet, c'est le contre-Disney des bacs à sable. Il joue avec le temps et avec nos nerfs, c'est en ça qu'il est sexy. La musique n'est qu'une suite de notes qui s'attirent les unes les autres. Lorsqu'on joue une note suivie de celle qui l'attend, on appelle ça une résolution. On a un sentiment d'accomplissement. Mais lorsqu'on ne résout pas, on tease, on excite l'auditeur, on joue sur les tensions. Et ça, c'est la technique des jazzmen et des grands amants. Or, Frédéric Fromet est un jazzman et un super coup, si l'on en croit les tensions psycho-érotiques dont il parsème ses créations. Frédéric Fromet, c'est le Hitchcock des chansonniers. Car enfin, sérieusement, après les horreurs qu'on a vécues, l'attentat de Charlie, l'attentat du 13 novembre, on se demande ce qu'il va faire quand vient son heure. On se dit qu'il va peut-être laisser son humour de côté pour faire un hommage appuyé et un peu larmoyant à ce qu'on aimait, qu'on a perdu. Mais c'est qu'on ne le connaît pas, le bougre. Il nous les sèche, nos larmes, mais pour mieux faire jaillir aussitôt les larmes du rire. Mais il y a autant de choses à dire sur Frédéric Fromet, c'est dingue. Parce qu'il est comme ça, il est tout mince. Il est comme ça, il est tout mince. Et il est en train de faire un AVC en écoutant votre Koulibaly, Koulibalo. Franchement, il fallait la faire, celle-là. Celle-là. Et pourtant, elle nous a guéri. Le temps. C'est vrai qu'on peut le remercier pour ça. Oui. Vous vous rappelez, Charline, on était tous dans le studio. Le temps d'un détournement enfantin sur une horreur, un vrai chagrin. Et nous voilà en pleine catharsis. La catharsis, il sait ce que c'est, Frédéric Fromet. C'est la purification de l'âme du spectateur par l'externalisation de ses tourments. Voir représenter sur une scène les choses qui nous font souffrir, voir incarner par des comédiens nos tourments, nous les font reconnaître. On nomme le mal, on l'identifie, on le voit à l'extérieur de notre corps et du coup, on a le sentiment d'en être délivré. Oui, délivré, Fromet, c'est la Reine des Neiges qui rencontre Sophocle. Par ce joke un peu pourri, Koulibaly, Koulibalo, il devient le champion de la catharsis et nous redonne le sourire et nous voilà redevenus les maîtres de nos vies puisque distance est prise avec le flot invasif de l'actu qu'on ne peut pas maîtriser. Du matin, du réveil jusqu'au soir, nous sommes pris en otage par tous les malheurs du monde sur lesquels nous ne pouvons pas agir. Et ça, c'est la vraie définition de l'angoisse. Recevoir des stimuli négatifs, des agents pathogènes sans pouvoir envoyer nos anticorps pour les détruire, nos leucocytes, nos globules blancs. Et ben c'est ça qui les Fromet, c'est un globule blanc. Mais alors, un super globule qui devient pathogène à son tour, un agent dangereux pour la connerie, un détecteur automatique de bullshit, un radar à déglingo, un éradiqueur de beauf, le Che Guevara de l'humour, le Bergson de la critique sociale. Bergson disait, l'humour c'est cette petite distance qui transforme le tragique en comique. Entre Bugs Bunny et Max la menace, Frédéric Fromet. Si on prend les premières lettres, Bugs Bunny, BB, Frédéric Fromet, FF, Max la menace, MM, on obtient l'acrostiche BBFF, MM, le bégaiement de BFM, la chaîne d'infos qui nous pourrit la vie, en miroir comique et déformant d'une réalité déformée. Or, quand le déformé est déformé, il se reforme en vérité sous la seule vérité qui soit Frédéric Fromet. Frédéric Fromet. Il est là, il a survécu à la chronique d'André Maloukian. Frédéric Fromet. En direct sur France Inter et sur franceinter.fr en vidéo. Comment je vais faire après ça, moi? Prenez votre respiration. Okay. Delphine à la trompette, vous êtes prête? On est prêt. Allez. Moi, mon truc, c'est le sport. C'est parti pour un footing. Je cours à l'aube au clair de lune. Dans mon col en moule burne, je ferai peur à un travelo. Mais je cours, rendez-vous dans les bois. Tu me reconnaîtras, c'est facile, je suis tout fluo. Et je cours, j'ai fait 1h28. Hier, 1h26, je comprends pas, pourtant je transpire. Je cours, une fille me dépasse. Putain, la connasse, moi qui cours pour le plaisir. Oui, je cours, je suis rouge et je grogne. Je dis bonjour à personne, je peux pas, faut que je respire. Je cours, j'ai un plan d'entraînement, c'est super important, les du temps dans le magazine. Je cours au marathon New York, et ouais, j'ai fait New York, j'ai même vomi à Central Park. Je cours, je souffle comme un bœuf, mais ce soir c'est la teuf, youpi, je vais manger des pâtes. Je cours, j'aime pas ça, mais je cours, je souffre, mais je cours, à part ça, je suis pas débile. Je cours, jamais sans mon chrono, mon casque stéréo, mon téléphone, ma tablette tactile. Je cours, équipé comme un pro, je pourrais faire les JO ou alors au moins Interville. Je cours, encore une joggeuse, violer la malheureuse, elle avait qu'à courir plus vite. Je cours, je vous jure monsieur l'agent, que je suis innocent, je reconnais pourtant que je cours. Je cours, pour échapper à qui, ai-je fait une connerie, envie de pipi ou à la bourre. Je cours, à peine 50 mètres, et je gonfle les becs, admirer un peu l'athlète. Je cours, est-ce que j'ai l'air idiot, tellement l'air idiot que je pourrais faire aussi du vélo. Je cours, regarde mes Reebok, elles sont mieux que les Nike, avant j'avais des New Balance. Je cours, j'aime ma boisson tonique, mes barres énergétiques, demain s'il le faut je me pique. Je cours, avec un point de côté, des crampes, des corps aux pieds et parfois même un infarctus. Je cours, comment, pourquoi je cours, parce que lorsque tu cours ça te fait du bien dans ton corps et je meurs. Par Delphine Le Play à la trompette devant le public du studio 105. à la Maison de la Radio sur France Inter avec toute l'équipe au grand complet d'Annule Tout. Merci à tous les chroniqueurs d'avoir répondu présent aujourd'hui pour la dernière de la saison. On dirait la dernière scène, c'est tablé comme ça. Oui. Où est Jésus-Christ? Il y a Judas. Oui, justement, Mélanie. C'est notre Judas. Oui, je sais où est Judas. Mélanie Bauer, on peut le ranger dans quel bac à la FNAC ou ailleurs? Mais, ou dans les autres... Alors, Fromet, il est fascinant parce que déjà, il fait des chansons, il n'y a pas de pont. Dans les chansons, c'est couplet, refrain, pont, cette espèce de moment où on se repose un peu, on fait un solo, on montre qu'on est un bon musicien, et puis on repart sur le refrain ou etc. Lui, non. Lui, il y va en ligne droite à la Brassens, couplet, refrain. Il court, foin. Il est un petit peu en état d'urgence. Elle est en train de manouquer, je trouve, Mélanie Boer. Thomas Védébé, c'est avec nous. Excusez-moi, André Manoukian. Allez, avant d'aborder le deuxième sujet avec vous tous, c'est de recueillir votre avis à cette heure-ci, 17h37 sur France Inter, c'est l'heure. Obligatoire, aïe. Même pour la dernière, on doit se le taper. Vous voulez pas? Tu vois, on n'est pas obligé. Hein, moi, j'ai le trophée Guillaume Meurice. Ah non, c'est pas moi. J'ai l'impression que les gens ne l'aiment pas très moi, peu. Je m'en fous, j'ai déjà été payé. Hein, si vous voulez, je ne le fais pas. Allez travailler, gauchiste. Après, vous allez en vacances. Mais je suis allé une dernière fois aujourd'hui à la rencontre de vous. Les gens, parce que oui, je vous aime, les gens. Voilà, toi, je t'aime. Ah ! Oh la vache ! Je m'y ferai jamais à ce physique, pardon. C'est Clara Dupont-Mono. Donc, hein, je suis allé dans la rue à la rencontre des Français pour parler vacances. On a les chiffres. Près de la moitié des Français ne pourront pas partir cet été faute de moyens. C'est important d'en parler, mais il y a pire. Il y a tous ces Français qui sont victimes de la dictature des vacances. J'en ai rencontré un et je vous demande de respecter vraiment la souffrance de cet homme. De toute manière, les vacances, c'est obligatoire. Alors, on ne peut pas y échapper. Hein. Ah oui. Le problème, il est là. Hein. Si on ne part pas à vacances, donc on est vu d'un mauvais œil, c'est pas normal. Non. Ah, vous êtes quasiment obligé de partir, quoi. C'est une contrainte. Quasiment, il faut que je fasse comme tout le monde. Hein. Dans mon immeuble, il n'y a plus personne. Je suis le dernier. Je serai gardien encore éventuellement, mais je ne suis pas gardien. C'est terrible, ça. Oui, mais alors je fais office de gardien, figurez-vous. Bah, du coup, vous travaillez alors. Oui. Ah oui, bah, la souffrance de cet homme qui fait également le bonheur de Pierre Gattaz, hein, puisqu'il bosse gratuitement. Pierre Gattaz, que j'en profite pour remercier pour son œuvre, il m'a inspiré quand même pas mal de chroniques. On dit toujours la connerie est un puits sans fond. Eh bien, c'est pas vrai. C'est Pierre Gattaz, en fait, qui bouche le puits de la connerie. Big up à toi, Pierrot. Et revenons à ce monsieur qui, donc, ne partira pas cet été. Si, je pars. Si, je crois. Ah, vous allez où? En Seine-et-Marne, je crois. Ah oui? Je n'aime pas les grands voyages. Seine-et-Marne, c'est pas un grand voyage, ça devrait aller. Vous avez vos vaccins un jour? Non, il faut que j'aille voir un autre médecin. Il y a un médecin spécial pour les vacances, non? C'est quoi? Ah bah sans doute, pour aller en Seine-et-Marne, oui, je pense, oui. J'hésite entre l'île de France et puis la Seine-et-Marne. Par contre, la Seine-et-Marne, c'est en Île-de-France. Je me souviens plus. Ah bah je confirme, hein. Ceci dit, ça facilite quand même le choix du gars, hein, c'est comme hésiter entre partir en Aquitaine ou bien dans le Sud-Ouest, ou hésiter entre voter pour un escroc et voter dans les Hauts-de-Seine, hein, le choix est pas quand même pas très difficile. Donc il va partir en Seine-et-Marne, ça lui changera des vacances scolaires, hein, n'est-ce pas? J'ai un vague souvenir des vacances scolaires, c'était en... Oh là là, en Seine-et-Marne peut-être. Ah bah putain, on a affaire à un fondamentaliste de la Seine-et-Marne, putain. Un gars pour qui l'horizon indépassable est Melun, tout simplement. Alors, j'ai pas voulu plus le provoquer. On a bouffé assez de terrorisme comme ça cette année. J'avais besoin d'une personne qui nous remonte un petit peu le moral. Et j'ai trouvé une dame qui a beaucoup travaillé avant de quoi? Avant d'acquérir ma maison de granit. Vous allez acquérir une maison de granit? Je l'ai. Ah bon? Eh ben oui, elle est au cimetière. Ok. Donc, au niveau du moral, c'est foutu. Alors là, on est dans la catégorie retraité en vacances, mais il y a une catégorie, évidemment, personne en activité professionnelle en vacances. Et j'ai croisé par hasard une personne que j'avais déjà eu l'occasion d'interroger lors d'une précédente chronique. Elle s'appelle Edith et elle est esthéticienne. Elle revenait de Tunisie et qu'est-ce qu'elle avait de prévu pour l'été avec son mari? On va faire un petit week-end au 14 juillet. Après, on va à Trouville pendant 10 jours deuxième quinzaine d'août. Et après, je pars en septembre, que j'adore le festival du film américain. J'étais l'année dernière. Ah, mais vous bossez jamais, en fait? Bah si, je bosse quand même. Bah quand? Bah si, bah entre les deux. Ok, d'accord. Alors disons que si vous voulez vous faire faire le maillot, va falloir viser juste, hein, entre les dates de vacances d'Edith, hein. Ou alors vous aurez la pilosité du torse de Manoukian. Hein, c'est un style qui peut plaire, hein, remarque. Donc vous l'avez compris, Edith fait partie d'une catégorie de Français qui se la coule douce, mais qui pense que... Les jeunes, ils veulent depuis qu'il y a les RTT. On leur donne des RTT, alors maintenant ils veulent plus travailler. Toujours ils demandent des vacances. Comment voulez-vous qu'on redresse le pays si tout le monde est en vacances? Si personne veut travailler? Et qui c'est qui va payer? Parce que les retraites des vieux, qui c'est qui va les payer? Alors, en même temps, vous êtes tout le temps en vacances aussi, j'ai l'impression. Je travaille quand même. Donc moi, je suis courageuse. Oui, elle est courageuse, Edith. Hein. C'est quand même courageux de rien branler et de juger les autres. Hein. Faut quand même le faire. Bravo, Edith. Allez, concluons avec notre extrémiste de Seine-et-Marne qui, lui aussi, en a marre de ce pays de branquignoles. On travaille de moins en moins. On remplace les vacances par les manifestations. Alors, ceux qui sont allés à la Bastille... Si on pour vous, c'est les vacances, ça? Si manifester pour quelque chose, si manifester intelligemment, bon... Là, ils manifestent pour rien. Ils manifestent mal. Eh ben voilà, vous manifestez mal, les gens, voilà. Hein, ce qui veut dire que vous avez une belle marge de progression. Donc, mon conseil, continuez à pratiquer pendant l'été, car n'oubliez pas que plus que jamais, sous les pavés, il y a la plage. Ouais. Bel été ouais. Guillaume Meurice, merci. Et tout le public du Studio 105 à la Maison de la Radio, vous êtes sur France Inter. On est ensemble jusqu'à 18h. Le deuxième sujet. Mais le deuxième sujet, bien sûr. C'est celui les que j'ai mouvements... bien travaillé. Ah oui, oui, c'est celui-là. Les mouvements citoyens ont eu leur heure de gloire cette année. Nuit debout, les zèbres d'Alexandre Jardin, même le parti des abstentionnistes est apparu un moment dans les pages des journaux. Pendant quelques mois, c'est presque un petit vent de fraternité qui a soufflé, souvenez-vous. Bonjour, tu vas à un rassemblement ? Bien sûr. Non, t'es là. Mais... Tu connais le chemin ? Tiens, je te donne mon plan. Merci beaucoup. Tu peux monter. Merci. Poussez-vous. Oui, ça y est, oui. Voilà. Montez. Mais vous la connaissez ? Mais non, mais dans la grande fraternité, ils se tutoient tous. Combien de fois faut-il te répéter les choses, petit frère ? T'es bien installée, petite sœur ? Le gendarme en balade. Oui, alors, Bornu debout, est-ce que vous pourriez demander à Clara Dupont-Monod son avis? Oui, alors attendez, justement, c'était prévu. C'était la prévu. Punk à chien de l'émission. Elle a beaucoup traîné là-bas, du côté de République. Hier, dans Le Parisien aujourd'hui en France, il y avait tout un article sur le fait que Nuit debout avait physiquement disparu de la place de la République. Eux expliquent que, bon, ils sont en train de réfléchir à monter un mouvement, c'est-à-dire, ils restent sur les réseaux, à monter un mouvement politique. Il y a un commerçant de la place de la République qui explique cette expression, qui dit, ils sont partis comme une volée de moineaux. Alors, est-ce que Clara Dupont-Monod, vous pensez que ça a été juste une bulle citoyenne ? Est-ce qu'elle peut en appeler d'autres ? Là, on n'est plus dans l'humour, là, en fait. Si ? C'est pour ça qu'on vous a posé la question à vous. C'est, c'est bien ce que je me disais. C'est pas une émission que d'humour. On peut parler souvent, on parle sérieusement. Et là, c'est une vraie question, Clara. Oui, bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement de contestation qui est monté et qui est sur les épaules de la société civile. Ça, c'est sûr. Je serais un homme politique, je serais fou de l'ignorer. Mais visiblement, nos hommes politiques sont un peu fous. Et ensuite, il faudra savoir après c'est où... C'est quasi de gauche, hein, ce que vous avez dit, Clara, là. Ben non, mais contrairement à vous, je le suis. C'est pas vrai. Ouais, si. Là, là. Ça fait du bien. C'est un autre débat. Merci. Bonnes vacances à tous. Ce qui fait penser d'ailleurs à une chanson de Frédéric Fromé qui dit « Je suis plus de gauche que vous ». Non, après, il s'agirait juste de savoir si on est contre la loi travail ou contre le travail. C'est pas pareil. Or, ce qui était écrit sur les dalles aux places de la République, c'était beaucoup non au travail. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas eu... Il suffit d'une personne pour écrire. Non, il en avait plusieurs. Mais du coup, c'est ce qui explique qu'ils n'aient peut-être pas eu l'assentiment du pays qu'il aurait peut-être fallu avoir. Sur les 11, combien ont été place de la République pendant Nuit de gauche? Alors, oh là, il y a plus de la moitié de la table. On est entouré de gauchistes. Hein. Samir Bouadi. Oui, ce qui est intéressant, c'est que quand on était petit à l'école, on apprenait que la Révolution française, un certain 14 juillet, était faite aussi parce que les conditions météorologiques étaient propices avec une sorte de canicule, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que Nuit debout, il y a eu cette espèce de flotte là, qui est tombée il n'y a pas longtemps. Et Nuit debout est devenue Nuit debout. C'est-à-dire que tout ça a commencé à. Voilà. Et voilà, il y a peut-être une dimension météorologique dans les révolutions qui n'est peut-être pas si négligeable que ça, finalement. C'est voilà. Vrai, André ? Il y a un truc super important. Important aussi, c'est que toutes les révolutions qui ont fonctionné avaient des chansons. La révolution de 1789, il y avait la Marseillaise. La révolution russe, il y avait l'internationale. Nuit debout, il n'y avait pas de chansons. C'est ça. Mais vous en avez une à proposer, André. C'est ça. Une dernière question. Si par exemple ici on décidait ce soir, je vois qu'on a des pupitres. Si vous regardez sur franceinter.fr, j'ai envie de déclarer ma candidature à l'élection présidentielle avec ce pupitre à nul tout. Je me dis, si aujourd'hui là on décidait de monter un mouvement citoyen. Est-ce que vous en seriez ? Est-ce que c'est possible ? Je vous souhaite un bel été en tout cas. C'est un vrai plaisir. Marius Colucci, vous marchez avec moi si on fait. Ah non, moi je fais absolument pas de politique. Moi, je me débrouille déjà avec mes opinions et j'ai beaucoup de mal à être d'accord avec moi-même. Alors, j'emmerde pas les autres avec d'accord, ça. D'accord, bah il quitte déjà le mouvement alors qu'il est pas monté. C'est formidable, c'est normal, c'est un vrai mouvement. Mais donc. On compte sur vous, Charline Audemeurant. Oui, bien vous sûr. Avez mais je vais la trésorerie à Guillaume. Le FNLR, le Front National Républicain Laïque, ça serait pas mal le FN comme ça. Mélanie Bauer, vous me suivez dans le Larzac ? Moi, je suis allée à Nuit debout, place des Fêtes. En fait, il y a plein plein de petits endroits dans Paris où on peut suivre les gens. Ils ont une radio. Vous voyez, André Manoukian, ils font du son. Ils ont une radio. Oui. Ils ont des hymnes. Ils ont des et chanteurs. Et on l'a vu parce que vous avez filmé sur Periscope. Donc je les ai suivis grâce à vous. Ouais, oui. Donc, allez, Thomas VDB. C'est moi, Thomas VDB. Oui, il a changé. Au bout de la table. C'est parti, c'est à vous sur France Inter. On est parti. Gaston, y a ton téléphone qui sonne, mais y a jamais personne qui répond parce que l'écran est cassé et les touches ne marchent plus vraiment bien. Voilà, parce que je ne sais pas, moi, si vous avez déjà souhaité, je sais pas, bon Noël à un micro-ondes ou peut-être bonne fête de Pâques à votre grille-pain. Aujourd'hui, on va souhaiter un joyeux anniversaire à notre iPhone qui a été lancé il y a presque 9 ans pile, le 29 juin 2007. Tout ça grâce à Steve Jobs, ou comme on l'appelle au Québec, Stéphane Travaux. Alors, on se souvient tous, en tout cas, je pense que tout le monde ici se souvient ce qu'il était en train de faire le 11 septembre 2001. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous étiez en train de faire le 29 juin 2007, jour du lancement de l'iPhone? Eh bien, moi, je m'en souviens très bien. J'étais en train de m'en foutre. Et voilà, j'ai mis du temps avant de m'y intéresser, vraiment. Mais parce qu'il faut reconnaître qu'au début, l'iPhone, c'est quand même un truc un peu moche et un peu lourd et épais. Hein, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de téléphoner avec un bloc-notes Rodia. Un gros truc qui était collé à l'oreille. Et aujourd'hui, il n'en finit plus d'être de plus en plus perfectionné. Il fait Internet, agenda, mail, il te donne la météo. C'est étonnant, vraiment, de voir la minutie et la dextérité qu'il peut y avoir dans les doigts d'un enfant chinois de 6 ans. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'iPhone a tellement d'applications qu'on est presque venu oublier sa fonction première, qui est de téléphoner. Hein, des fois, je suis sur Internet, sur mon téléphone, et il y a un pote qui m'appelle, et je suis là, mais qu'est-ce qu'il veut me faire chier, lui, là? Mais pourquoi il ne m'envoie pas un mail? Il ne veut pas qu'on parle non plus pendant qu'on y est. Mais évidemment, l'iPhone, c'est ça qui est génial, il fait aussi caméra. Et on a appris cette semaine qu'il y a des chanteurs qui en ont marre d'être filmés dans les concerts, et Apple, c'est pas des bêtises, va faire installer une puce dans l'iPhone qui fait qu'on ne pourra plus filmer dans les concerts. C'est idiot, parce qu'il y avait déjà un truc qui empêchait de filmer avec l'iPhone, c'est tout simplement la batterie de l'iPhone, hein, qui en général s'arrête au bout de 5 minutes. Voilà, mais là, ils vont rajouter un autre truc encore. On a vu, il y a des images sur Internet de la chanteuse Adèle qui interpelle une fan pendant une chanson de son concert. Elle a « Mademoiselle, arrêtez de filmer, s'il vous plaît, et profitez du spectacle, au lieu de le regarder derrière votre écran. » Je veux dire, elle a bien vanné, sa spectatrice. Ce à quoi la pauvre fan a répondu « Non, je filmais pas, je faisais juste un selfie avec un pote. » Parce qu'il est un peu relou à regarder le concert, en fait. Voilà, en tout cas, l'iPhone, c'est sûr, on peut le dire aujourd'hui, il a changé le monde, il a affecté tout, il a affecté le commerce, ça a tué les vendeurs de baladeurs CD, de cartes routières, de boussoles, de montres, de lampes de poche, d'appareils photo, ça a tué les vendeurs de trucs là pour chronométrer la cuisson des œufs, de sabliers, comme ça c'est clair. Ah ben je peux te dire, tous les vendeurs de sabliers que je connaissais à l'époque, ils ont tous mis la clé sous la porte. Ah ben ouais mon pote. Et par contre, ça a vraiment lancé le business d'un truc, c'est le business des réparateurs d'iPhone. Ça vraiment, il y en a tous les 11 mètres à Paris, et ça c'est bien, parce que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai cassé la vitre de mon iPhone, et bon, c'est vrai qu'en général, quand on casse la vitre de son iPhone, on sait que voilà, il n'y en a plus pour très longtemps. C'est un peu comme quand ton labrador, il se casse les deux pattes arrière. Tu sais que tu rentres dans une spirale infernale, il va être hyper médicalisé jusqu'à la fin de sa vie, c'est qu'il va te coûter hyper cher en soins. C'est vrai qu'après plusieurs années de vie, quand même, les iPhones, c'est un peu comme les chiens, ça répond plus quand t'appelles. Tu dis, c'est mieux de le faire piquer ou de se le faire piquer. Mais là, j'ai un pote qui me dit, non, mais cherche pas. Il me dit, tu vas à la clinique du portable, pour 50 euros, il te le change en un quart d'heure. Mon pote Denis, il a fait ça. Donc, je vais changer la vitre. Effectivement, il me la change en un quart d'heure. Mais par contre, depuis, l'iPhone ne marche plus du tout. C'est-à-dire que je veux réserver un billet de train, ça s'appelle ma grand-mère. C'est n'importe quoi. Donc, j'ai dit à mon pote, non, mais c'est pourri ton truc de la clinique du portable, le téléphone, il marche encore moins. Et là, mon pote, il me dit, ah oui, mon pote Denis aussi, c'est vrai que j'ai oublié de dire, ça marche pas non plus. Voilà, donc effectivement, j'aurais mieux fait de me le faire piquer. Merci à tous et bonnes vacances. Ciao. Merci, Thomas VDB. Nous sommes en direct sur France Inter, en public depuis le studio 105 à la Maison de la Radio. Et le troisième sujet, il y a notamment Banksy ou les maîtres du street art aussi qui ont peint sur les murs des fresques engagées, jusqu'à faire polémique récemment, c'était à Grenoble, cette fresque avec deux CRS et Marianne allongée sur le sol. Le cinéma français, lui, il s'est quand même emparé du social, mais dans l'art le plus populaire, la chanson. Où est la chanson engagée, hein? C'est pourtant l'année du retour de Renaud, merde. Heureusement, la relève est là. Nicolas Sarkozy, reviens, je t'en prie, viens nous sauver la vie. Monsieur le Président, moi je suis fan, hein. Les Français sont pas contents. Ça devrait être le générique de changer le gouvernement. Voilà la chanson engagée d'aujourd'hui. Yes, alors, yes. Alors, il s'appelle, il se fait appeler Josh Stanley. Est-ce qu'on peut parler de chansons décomplexées? Oui, c'est ça, totalement. Et le clip est tourné à Monaco. Non, mais là, c'est vrai. Isabelle Sorande, quand vous aurez fini de picoler, dites-moi, parce que je vous vois, elle serait où la chanson engagée aujourd'hui? Est-ce qu'il faut la chercher ailleurs qu'en France? Vous pensez qu'il y a une explication sociétale, intellectuelle? Oh là là, vous me posez une colle. Ah, enfin, on l'a coincé. Ça y est, là, ça y est. Là, c'est le 1er juillet 2016. Non, ce que je crois, c'est que toute création, tout acte de création est engagé, que ce soit les fresques sur les murs, la chanson. L'engagement, c'est d'essayer de traduire quelque chose d'un peu authentique. Quand Christophe Maé dit « Où est le bonheur ?» c'est pas très authentique. Bon, non, mais l'idée, c'est, elle a raison, parce que l'idée, c'est la culture est toujours rattachée au monde. Elle en est une caisse de résonance, où elle en anticipe les fantasmes. On n'est pas obligé de chanter « Je suis pour » comme Michel Sardou pour avoir un engagement saillant comme ça. Il y a le hip-hop quand même. Mais le hip-hop est engagé, mais tout est engagement, elle a raison. C'est comme si vous niez toute une part de la musique. Le hip-hop, c'est que de la chanson engagée, c'est rien que ça. On classe dans musique, ça, hip-hop, oui. Hein. Non, c'est important à dire aussi. Dans le cinéma. Une vraie chanson est morte dès qu'elle a un message. Ah oui. Et voilà. Hippolyte Girardot, puisque vous avez le crash. C'est pas vrai. C'est donc, c'est pas la vrai. Chanson n'est pas faite pour porter un message. La chanson est faite pour exister en tant que chanson. Ensuite, le message, chacun le comprend comme il veut. Oui, moi, il y a toujours un message. Cet engagement objectif, c'est totalement stupide quand tu fais de l'art ou de la culture. Thomas Bidoguin. Non, moi, je voulais simplement citer Jean-Luc Godard, qui disait il faut mettre une césure entre Jean-Luc et Godard, et qui disait le cinéma c'est des images claires et des idées floues, et effectivement il faut que les idées restent floues dès qu'elles sont univoques. Il a dit plein de conneries Godard quand même, hein. Oui, et il a pas dit, il en a aussi mais filmé. La colère qu'on peut ressentir, la tension qu'on peut ressentir, etc., où est-ce qu'elle peut s'exprimer, Juliette Arnaud? Et par exemple chez PNL, qui a un groupe de rap français. Mm-hmm. Je vous en supplie, allez voir leurs vidéos sur vocodeur. Hein. C'est pas possible. Mais peu importe. Ça, PML. Non, si, c'est possible, c'est vachement bien. Mais c'est tout au vocodeur. Et qu'est-ce qu'on s'en c'est fout? C'est quoi vocodeur? C'est de parler comme ça. C'est toutes les voix. Qu'est-ce que tu dis? Les mecs, voilà. ils rêvent, ils se disent putain, c'est la merci, classe Thomas absolue. C'est parler comme ça. Et on me dit, mais dans la réalité, c'est tout le monde parle comme Luke Skywalker. C'est ce jour-là qu'on a compris que Thomas VDB était devenu un vieux con, donc il était devenu papa. Non, mais il y a un débat. On va pas partir en vacances ensemble. Alors, moi, je propose Thomas VDB. Je sens qu'il y a un potentiel de chronique sur ce vocodeur. C'est un truc dont je parle dans mon nouveau spectacle que je rôde en ce moment et j'invite tout le monde à venir voir. Mais vous jouez où? Mais je rôde en ce moment des idées pour mon nouveau spectacle au Panam Art Café, rue de la Fontaine-au-Roi à Paris, ce soir et demain à 21h15. Et après, quand il sera rodé dans toute la France, Thomas VDB. Alors, il y a une surprise à la fin de cette émission, comme c'est la DER, parce que normalement, c'est l'heure du barde qu'on ligote pendant le banquet à l'arbre. Et voilà, et pour le prix d'un, on en a deux. Et c'est Guillaume Meurice qui est allé s'accoter. S'asseoir à côté, ouais. Non, Guillaume, il sait tout perdre, cet homme. Alors, de quoi allez-vous nous chanter, le duo, là? C'est une petite surprise. Guillaume? Ouais. T'avais des yeux d'enfant pour t'amuser à faire chier les gens avec des tas de questions afin de débusquer les cons. T'avais une voix de fille pour faire des chansons pas très gentilles, avec des jeux de mots pour brocarder tous les blaireaux. On va se faire chier en vacances, plus personne à emmerder. On sera sûrement un peu en souffrance, sans Macron ni Valls ni Copé. Se faire chier en vacances, sans chronique de Manoukian, sans Dupont Mono. Non, là on plaisante, on voudrait même partir plus longtemps. Bye bye les auditeurs, vous qui faites battre nos petits cœurs, on vous fait des bisous, attends, partout. Des bisous. Ouais. Bah, parmi nos auditeurs, il y a quand même pas mal de moches. Ah ouais. Et surtout que là, on les a en face. Ouais, c'est vrai. Alors, non, du coup, pas de bisous. Pas de bisous. Merci à toi, Alex. Tes brèves sont aussi courtes que ton sexe. Merci à toi, Charline. Talon est gros comme... Non, attends. Là, déjà, Alex, sexe, pourquoi c'est d'accord. Quoi mais non, mais on la voit venir, là, la rime. Non, le non. Talon de Charline est gros comme un Boeing. Mais c'est nul, mais n'encouragez pas ça, mais il n'y a même pas de jeu de mots. Mais si, comme un Boeing, parce qu'on n'est plus rien sans elle. Wow. C'est génial, t'es un génie. T'es merci. Un génie, Fred. Va se faire chier en vacances, sauf au festival d'Avignon. Moi au cabestan à 19h15. Moi au coin de la lune à 20h25. Ça ne rime pas mais on s'en fout. Mais ouais, c'est la publicité commerciale, on a le droit. Va se faire chier en vacances. Plus personne à emmerder. On sera sûrement un peu en souffrance. Vivement la fin de l'été. Frédéric et Guillaume. Merci Frédéric Fromet, Guillaume Meurice, qu'on retrouvera donc, on l'a compris, à Avignon au festival avec Alex Vizorek. Merci Alex. Merci pour cette saison 2. L'année prochaine, il y a la campagne présidentielle. Et il y a deux primaires. Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas une saison 3? Je sais pas. On va réfléchir cet été. Merci au public d'être venu très nombreux. Il y a plein de places de libre dans ce studio. Oui, les auditeurs, on vous embrasse très fort. Merci à toute l'équipe. Dans l'ordre là-bas, il y a Thomas VDB, Marius Colucci, Hippolyte Girardot, Thomas Bideguin, Samir Bouadi, Juliette Arnaud, Isabelle Sorante, Mélanie Bauer, Clara Dupont-Mono et André Manoukian. Merci à tous et merci à toutes les équipes techniques qui ont permis de faire cette émission en public pour la dernière. Merci à tous. Le mot de la fin, on va le laisser à Manuel Valls, qui a fait un petit briefing à ses ministres pour l'été. Debout, tas de punaise! Montrez-moi que vous en avez une paire! Sinon, je vais vous faire roter du sang! Est-ce que c'est clair?